بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc je me disais bien que tout à l'heure il y avait un point que je n'avais pas abordé. Le cours de tout à l'heure a duré 45 minutes. On s'est un petit peu trop étalé. Et du coup, la page 16, normalement on devait l'aborder dans le cours concernant le destin. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il est bien au-dessus du fait qu'il puisse passer dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Ou que quelqu'un puisse se passer de lui, ou bien que quelqu'un soit créateur d'une chose sans que lui ne soit le seigneur des serviteurs et le seigneur de leurs agissements, celui qui détermine leurs mouvements et leurs termes. Ici, l'auteur, rahimahullah, il réplique à ceux qui prétendent que l'être humain crée ses propres actes et que ce qui se passe sur terre ne dépend pas de la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc il nous montre que tout ce qui se passe sur terre dépend de la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah nous a accordé le libre arbitre, mais tout ce qui se passe dépend de sa volonté. Et donc ça, c'est important de comprendre. Parmi les sujets du destin, il y a la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est au-dessus de tout. Il nous a accordé à nous la volonté, mais sa volonté à lui, elle est au-dessus de tout. Une personne peut vouloir un enfant, faire les causes pour avoir un enfant, et au final n'a pas d'enfant. Parce que Allah a décrété ceci. Et donc la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus de tout. Et il fait partie de la croyance des gens de la Sunna qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les serviteurs ainsi que leurs agissements. Nos agissements aussi ont été créés. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et donc, As-Saffat, le verset numéro 96. C'est la surat numéro 37. Surat numéro 37. Le verset numéro 96. Et donc, il est important de comprendre, barakallahu fikoum, que les agissements des serviteurs sont liés à Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est lui qui les a créés. Les agissements des serviteurs sont liés à Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est lui qui les a créés. Ce n'est pas toi qui as créé tes agissements, c'est Allah qui les a créés. Tout ce qui se passe ici-bas, c'est Allah qui l'a créé. Et aussi, les agissements des serviteurs sont liés aux serviteurs eux-mêmes parce que ce sont eux qui vont accomplir ces agissements. Ce sont les serviteurs qui vont accomplir ces agissements et donc les agissements sont liés à eux. Donc les agissements des serviteurs sont liés à Allah parce que c'est lui qui les a créés et ils sont liés aux serviteurs parce que c'est eux qui vont accomplir leurs propres agissements et qu'ils ont le choix. Parce qu'Allah leur a accordé le choix de faire cet agissement ou de ne pas le faire, de faire cette bonne action ou de ne pas la faire, de faire ce péché ou de ne pas le faire. Et donc, les degrés du destin sont au nombre de quatre. Le premier, el-ilmu, la science, comme on a vu précédemment. Le deuxième, l'écriture, tout soit écrit dans des tablettes préservées. Le troisième, la création. Allah a tout créé et cela fait partie du destin. Il a créé les serviteurs, il a créé leurs agissements, et que toute chose a été créée avec prédestination. Et le quatrième, la volonté d'Allah qui est au-dessus de toute chose. La volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est au-dessus de toute chose. Et donc, ceux qui se sont opposés à cette croyance, et ceux qui ont dévié de cette croyance, il y a el-mu'tazila el-qadariya. El-mu'tazila el-qadariya. Quelle est leur croyance? Et donc ces gens-là, ils rejettent le destin totalement. Et ils prétendent que Allah ne connaît les choses qu'une fois qu'elles se sont produites. Donc ce groupe-là qu'on appelle Al-Mu'tazila Al-Qadariya. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, c'est un seul groupe. Il y a deux mots pour un seul groupe. Al-Mu'tazila Al-Qadariya. Qadariya. Si vous voulez, vous pouvez laisser un espace et venir me voir à la fin du cours, Inch'Allah. Et donc ces gens-là rejettent le destin et prétendent que Allah ne connaît les choses qu'une fois qu'elles se produisent. Il ne connaît pas le futur, selon eux. Il ne connaît pas la destinée des choses. Le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas, selon eux, bien sûr. Et ces mêmes gens-là, ils voient que la guidée et l'égarement sont entre les mains de l'être humain. Et que Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun lien avec la guidée et l'égarement. Ils voient que Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun lien avec la guidée et l'égarement. Et on a déjà vu, bien entendu, les preuves claires qui montrent que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guide et qui égare. Et toute cette croyance, elle est basée sur le fait que le serviteur, c'est lui qui crée ses propres agissements. Pour eux, donc, vu que le serviteur, c'est lui qui crée ses propres agissements, ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas Allah qui va déterminer la guidée ou l'égarement, mais c'est le serviteur lui-même. C'est le serviteur lui-même. Le deuxième groupe qui a dévié en cela, à l'opposé, on a Al-Jahmiya, Al-Jabariya. On a déjà vu tout à l'heure le groupe Al-Mu'tazila et le groupe Al-Jahmiya. On les a déjà vus, d'accord ? Dans le sujet des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, les deux groupes sont ensemble dans le fait de rejeter les attributs d'Allah. Mais concernant le sujet du destin, les deux groupes ont toujours dévié, mais ont pris deux voies différentes. Al-Mu'tazila, eux, ils ont rejeté le destin, c'est pour ça qu'on les a appelés Qadariya. Et Al-Jahmiya, eux, ils vont affirmer le destin, mais vont exagérer dans cela. Et vont prétendre que l'être humain n'a pas de libre arbitre. L'être humain n'a pas de libre arbitre. Et que tout ce qu'il fait, il n'a pas le choix. Quand tu es venu ici, ce n'est pas toi qui as choisi de venir. Là, quand tu es en train d'écrire, maintenant, ce n'est pas toi qui as choisi d'écrire. Quand tu as arrêté d'écrire, ce n'est pas toi qui as choisi d'arrêter d'écrire. Tu es comme un bout de papier, on te prend, etc., etc. Et ça, bien entendu, cette croyance, elle est contraire au Coran et à la Sunna. Car si Allah ne t'a pas donné le choix, pourquoi est-ce qu'il te châtie sur quelque chose qui ne t'a pas donné le choix? D'accord? Il y a une histoire qui est racontée au début de l'apparition de cette secte. Il y avait Ibn Abbas, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui combattait les innovations et combattait les sectes. Et parmi les sectes, il y a justement Al-Jabariya. Et donc, il y a un homme et sa femme qui étaient sur cette voie Al-Jabariya. Et donc, il s'opposait à Ibn Abbas. Alors, l'homme, il était à l'extérieur de chez lui et il rentre chez lui et il trouve sa femme avec un homme sur sa femme. Elle le trompait. Alors, il a sorti son épée. L'homme qui était sur sa femme a réussi à fuir. Ensuite, il était face à face avec sa femme. Alors, il voulait la frapper et là, elle lui a dit « Non, malheur à toi. Est-ce que tu vas suivre la voie d'Ibn Abbas ? Tu sais très bien que ce qui est arrivé, nous n'avons pas eu le choix. » Nous n'avons pas eu le choix dans tout cela. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alors il a rangé son épée, il lui a dit « Jazakillahu khairan » qu'Allah te récompense en bien. J'ai failli m'égarer. Et donc comme on l'a dit auparavant, subhanallah, les groupes pour comprendre ce qui leur est arrivé, il faut vraiment parfois prendre sa raison et la mettre de côté. Parce que leur contradiction... Lorsque les groupes vont délaisser le Coran et la Sunna, lorsqu'ils vont délaisser la vérité, ils vont forcément tomber dans des contradictions. Toyib. Donc voilà les deux groupes qui ont dévié dans le sujet du destin. À la page d'après, l'auteur qui dit, rahimahullah, celui qui a envoyé vers eux les messagers afin qu'ils établissent sur eux la preuve. Et donc celui, Allah est celui qui a envoyé vers ses serviteurs, les messagers, afin, et ça c'est très important, barakallahu fikoum mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala, à la page 17, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses messagers afin qu'ils établissent la preuve sur les serviteurs. Il dit tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi. Nous n'avons envoyé aucun messager sans que nous l'envoyions avec la langue de son peuple, liyubi inalahum, afin qu'il leur explique. Et donc le messager va expliquer aux gens la vérité. Ensuite, il se peut que les gens acceptent, mais il se peut qu'ils n'acceptent pas. Il se peut que les gens acceptent ou pas. Sourate Ibrahim, le verset 4. Dans Sourate Al-Nisa, donc la Sourate 4, le verset 165. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Rusulan, مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سورة numéro 4 verset 165. Des messagers annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs contre un châtiment, afin qu'il n'y ait pour les gens aucune preuve face à Allah. Et certes, Allah est puissant et sage. Et certes, Allah est puissant et sage. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie les messagers afin d'expliquer aux gens la vérité et que les gens, au jour de la résurrection, ils n'aient aucune preuve, aucun argument. Ils ne puissent pas dire « on ne savait pas ou ci ou ça ». Mais par contre, le messager n'est pas responsable du fait que les gens ont accepté la vérité ou pas. Il n'est pas responsable de ça. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les communautés lui ont été montrées. Et donc, il a vu un messager qui avait avec lui un rahdou, un nombre qui est compris entre 3 et 10. Un autre prophète qui avait avec lui un ou deux hommes. Et un autre prophète, qui n'avait personne avec lui. Et donc ces messagers-là n'étaient pas responsables du fait que leur peuple n'ont pas voulu les suivre. Le messager est un messager. Il est responsable de transmettre la vérité. Et c'est pareil pour les héritiers des prophètes, les héritiers des messagers. Parmi les savants, parmi les étudiants, les prédicateurs, ils ne sont pas responsables du fait que les gens ils acceptent la vérité ou pas. Toi, ce que tu dois faire, c'est transmettre aux gens la vérité. Transmettre aux gens la vérité. Aujourd'hui, subhanallah, les gens, ils comprennent mal cela. Ils comprennent mal la fonction du messager. Ils pensent que le messager, sa fonction, c'est de ramener le plus de personnes que possible. Et donc, ils vont se dire eux-mêmes, leur fonction à eux, en tant que prédicateurs ou autres, c'est de ramener le plus de personnes que possible. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ramener le plus de personnes que possible? Eh bien, on va dire aux gens ce qui leur fait plaisir. Voilà pourquoi certains vont transformer le message, vont changer le message, vont changer les principes de l'islam pour faire plaisir aux gens et avoir un maximum de suiveurs. C'est totalement fou. Tu n'es pas responsable du fait d'avoir un suiveur ou 10 000. Ce que tu dois faire, c'est transmettre aux gens la vérité. Ensuite, les gens, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais toi, tu as transmis la vérité. Tu as été une cause du fait que les gens ont connu la vérité. Et Yawm al-Qiyama, la personne, elle ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Non, tu as su, mais tu n'as pas accepté. Mais tu n'as pas accepté. Et donc, on doit prendre garde à ça. Ne pas faire plaisir aux gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre sous prétexte qu'on veut les attirer vers l'islam. Vers quel islam tu vas les attirer? Tu es en train de changer l'islam pour que la personne elle adhère à l'islam, mais c'est à quel islam qu'elle va adhérer? C'est à ton islam, à toi. À ton islam, à toi, tu changes, allez hop, on prend ça, ça, ça, allez, on lui dit pas ça, etc. Allez. Mais bien sûr, c'est le fait de changer la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est dangereux. Il faut faire très attention à ça, barakallahu fikoum. Et ça fait partie des sujets que j'ai abordés avec qui? Parce qu'il rigole déjà. Alors, avec l'établi. Parmi les fondements, et donc j'espère encore, je le dis, hein, j'espère, bi'idnillah, qu'ils écoutent. Ça va être, bi'idnillah, ça va faire du bien. C'est important. On ne peut pas laisser les gens comme cela et dire, c'est pas grave, chacun pour soi. En islam, il n'y a pas ça, chacun pour soi. Tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Et donc, si toi, un jour, tu es dans une déviance, dans un égarement, tu aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui te dise, « Yahri, viens, non, la voie que tu suis n'est pas bonne. Regarde, ça, ça, ça et ça. » Allah tabaraka wa ta'ala a réprimandé le fait de ne pas se rappeler comment on était avant. Ne pense pas que tu as toujours été sur la guide. Et donc, aujourd'hui, tu vois des gens qui n'ont pas compris, donc tu te sens un petit peu supérieur, etc., etc. Non, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Kadhalika kuntum min qabl » C'est ainsi que vous étiez auparavant. Vous aussi, c'est ainsi que vous étiez auparavant. Alors, il est important qu'on pense aux autres. Ibn Taymiyyah, tarahimahullah, lorsqu'il parle du travail des savants, il dit que les savants sont une très grande cause de bien pour les gens, mais que les gens ne reconnaissent pas. Parce qu'il pense que lorsque les savants vont écrire des livres pour répliquer sur une déviance, répliquer sur un égarement, les gens, une fois il y a un frère qui dit « Cheikh al-Islam, quand je lis ses livres, on aurait dit qu'il est énervé. » Il dit, on aurait dit qu'il est énervé. Subhanallah. Il est en train de montrer une déviance, de mettre en évidence un sujet important. Et donc, parmi les fondements du groupe Tablir, parmi leurs fondements, et ça, vous pouvez le voir dans la liste de, donc, leur liste de mœurs et de comportements à respecter durant le khuruj. D'ailleurs, ils ont oublié leur document avec la liste. Et donc, dans cette liste, il y a, parmi les choses à faire et les choses à ne pas faire, le fait de ne surtout pas aborder les sujets dans lesquels la communauté musulmane a divergé. Ne surtout pas aborder ces sujets-là. Tous les sujets dans lesquels il y a eu des divergences, ou tous les sujets dans lesquels les musulmans se sont divisés, tous les sujets pour lesquels les musulmans se sont divisés, il ne faut pas les aborder. Pourquoi ? Afin de ne pas faire fuir les gens. Afin de ne pas faire fuir les gens. Alors je leur ai dit, mais les frères, expliquez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a expliqué tout ce qu'il fallait expliquer ? Ou alors, est-ce qu'il a dit à Quraysh, non, Quraysh, on ne va pas leur dire ça parce qu'ils vont mal le prendre, on ne va pas leur dire si parce qu'ils vont mal le prendre, etc., etc. Il a tout expliqué, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, celui qui veut accepter, il accepte, celui qui ne veut pas accepter, il n'accepte pas. Mais il y a des sujets importants, comme le tawhid, adorer Allah seul. Aujourd'hui, vous allez me dire que, donc ça, c'est un sujet d'unanimité, et après l'unanimité, il y a eu divergence. Parce qu'après l'unanimité, il y a des groupes qui ont rendu licite le fait d'adorer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait d'invoquer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme on peut le voir, par exemple, sur le site officiel donc des Al-Iftah, donc des fatawas en Égypte. Le site, donc, il n'y a pas de mal à invoquer et à demander l'intercession des saints. C'est sur le site officiel. Et donc, à partir de là, c'est un sujet de divergence maintenant. Est-ce qu'on aborde le sujet pour expliquer aux gens la vérité et que le polythéisme fait sortir de l'islam? Ou alors on n'aborde pas le sujet pour ne pas fâcher les gens, pour ne pas brusquer les gens? Il faut aborder le sujet. Il faut l'aborder. C'est pour ça que j'avais demandé, ça fait depuis combien d'années que vous venez en Martinique? Ils m'ont dit une trentaine d'années. Je dis, depuis une trentaine d'années, vous avez abordé le sujet des tombes qui sont adorées? Ils m'ont dit, non, il n'y a pas besoin d'aborder ça. Les gens, ils savent qu'il ne faut pas adorer les tombes. Je dis, ah bon? Et là, je leur ai montré une photo que Khalil il m'avait envoyée. Des tombes en Algérie que certaines personnes étaient allées voir, etc. Je dis, regarde, tiens, allez, c'est sur mon téléphone, là. C'était il n'y a pas très longtemps. Mais tiens. Par quoi pour aborder ça? Alors là, laisse-moi poser. Ce que tu as bien de dire là, franchement, mashallah. Je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire, il n'y en a pas besoin d'être savant pour aborder tous les sujets, mais avoir des connaissances. Avoir des connaissances, c'est la base. Et donc ça, c'est le premier reproche que je leur ai fait. Premier reproche que je leur ai fait, attendez, vous avez voyagé de France pour venir ici, à Rouge, pour enseigner. Elles sont vos études? Vous avez étudié où, quand? Il n'y a pas besoin d'étudier pour faire ci. C'est ça la réponse, il n'y a pas besoin. Alors j'ai dit, ok. Alors là, je suis resté, j'ai écouté ce qu'ils disaient, et c'est là que j'ai commencé les débats avec eux pour leur montrer. Pour leur montrer, c'est important. Et donc déjà à la base, vu qu'il n'y a pas d'études, mais ça va nous mener à dire un petit peu n'importe quoi. Et après à changer le message. Donc ça c'est un point important, barakallahu fikoum, les messagers, les imams, les prédicateurs. Nous ne sommes pas responsables du fait que les gens acceptent la vérité ou pas. La fonction du prédicateur, la fonction du da'iya, c'est de transmettre le message. Tu transmets. Ensuite les gens, Allah leur a accordé le libre arbitre d'accepter ou pas. D'accord ? Alors ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, puis il a parachevé le message, l'avertissement et la prophétie par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son prophète. Il a alors fait de lui le dernier des messagers, un annonciateur, un avertisseur qui appelle à Allah par sa permission et une lampe éclairante. Et donc là, ici, l'auteur, ce qu'il cite à la fin, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un annonciateur, un avertisseur qui appelle à Allah par sa permission et une lampe éclairante, donc ça, il s'est basé donc sur le verset Surat al-Ahzab, donc c'est Surat numéro 33, le verset 45 et 46. Sourate numéro 33, le verset 45 et 46. Et on comprend dans ce verset que les gens, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient donc dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Et c'est pour cela que je le répète, celui qui ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne suit pas la sunna, celui qui ne cherche pas à apprendre cette sunna, il est dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité. Et souvent, je donne l'exemple du phare. Hein? Le fait de rouler de la mosquée de Fort-de-France jusqu'à la mosquée à Sainte-Marie. Le soir, sans phare. Si tu fais ça, on va te dire, mais tu es fou. Mais allume tes phares. En plus, il y a plein d'endroits sur lesquels il n'y a pas de lampadaire. Tu vas faire un accident, etc. etc. Taïm, comment ça se fait qu'on est capable de passer des jours, des nuits, des mois, des années sans chercher à comprendre le Coran, sans chercher à comprendre la Sunna, sans... Le Coran, c'est la lumière. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyé une lumière. Si tu ne cherches pas cette lumière, tu es dans l'obscurité. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse ce genre d'assises, des cours, des séminaires, qu'on mette un peu de lumière, particulièrement pendant ces jours hein, d'obscurité où la Martinique s'assombrit un peu plus. Donc, c'est important qu'il y ait de la lumière, que la mosquée vive. C'est important que la mosquée vive par le tawhid, par la aqida. On apprend le fiqh, le tafsir, les hadiths, etc., etc. C'est important qu'on apprenne notre religion, les frères, barakallahu fikoum. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, donc toujours dans sourate Al-Ahzab, donc toujours la sourate 33, le verset numéro 40, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Par contre, c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et donc, il n'y aura aucun prophète après lui. Ça, c'est un sujet important, les frères. Il n'y aura aucun prophète après lui. Al-Bukhari et Muslim, ils citent dans leur recueil authentique, Al-Sahihayn, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, mon exemple est semblable à celui, mon exemple est celui des prophètes, est semblable à celui d'un homme qui a bâti une maison. Il l'a embellie, il l'a bien faite, sauf la place d'une brique dans le coin qu'il a laissée. Alors les gens ont commencé à tourner autour de cette maison et à être impressionnés par celle-ci. Et ils disent, si seulement cette dernière brique avait été placée, et certes, je suis la brique et je suis le dernier des messagers. Dans Sunan Nabi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innahu sayakounu fi ummati kadhabuna thalathun » Certes, il y aura dans ma communauté 30 menteurs. 30 menteurs. « Kulluhum yaz'umu annahu nabi » Chacun d'entre eux prétend être un prophète. « Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di » Alors que je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Et donc effectivement, il y a eu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam des personnes qui ont prétendu être des prophètes. On a Moussalim al-Kadhdhab, qui est très connu. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui vont s'affilier à des groupes qui suivent un individu qui se prenait pour un prophète. Alors que le prophète l'a clairement montré, Allah tabaraka wa ta'ala l'a clairement montré aussi. Il n'y a pas de prophète après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un point important aussi dans cela, barakallahu fikoum, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Et donc il y a un point important, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Cela veut dire, barakallahu fikoum, que les imams, les prédicateurs, les étudiants en sciences, etc., etc., et les savants n'ont pas le degré de prophète. Et donc, on n'a pas à suivre une personne aveuglément lorsqu'on voit que la personne donc s'oppose à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les autres doivent suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, peu importe l'imam, peu importe, l'imam qui nous cite une parole qui est contraire à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne devons pas suivre. en gardant le respect de cet imam. C'est un imam de la communauté musulmane. D'accord ? On a déjà vu cet exemple dans plusieurs sujets de jurisprudence. Et donc c'est important de comprendre cela. Nous ne devons élever personne au rang de prophète. À la page suivante, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il a fait descendre sur lui son livre plein de sagesse. Donc il a fait descendre sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son livre plein de sagesse. Par lui, il a expliqué sa religion de rectitude. Et par lui, il a guidé, là j'ai mis entre parenthèses, vers et sur la voie de rectitude. Pourquoi ? Il a guidé vers la voie de rectitude, il a guidé sur la voie de rectitude. Pourquoi est-ce que j'ai cité les deux ? Alors, je vais vous poser une question pour vous aider à comprendre la question. Mashallah, barakallah. Et donc, il y a le fait de guider vers la voie pour celui qui n'est pas encore sur la voie de rectitude. Lorsqu'on dit à chaque prière, ihdina sirata, guide-nous sur ou vers la voie de rectitude. Et donc, tout dépend de la personne. Si la personne n'est pas sur la voie de rectitude, mais qu'elle a besoin d'être guidée vers la voie de rectitude, et donc la personne demande à être guidée vers la voie de rectitude. Et il se peut que la personne soit sur la voie de rectitude, mais pour rester dessus, il faut que tu restes sur cette voie jusqu'à la mort. Et donc guide-nous sur la voie de rectitude afin d'y rester. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'invoquait lui-même dans chaque salat, ihdina sirat al-mustaqim, alors qu'il était sur la voie de rectitude. D'accord ? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à son prophète Mohammed el Coran. Et par lui, il a expliqué le Coran. Et ça nous montre, ô chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala veut notre bien. Il ne nous laisse pas comme cela dans l'ignorance, sans savoir ce qui est bien, sans savoir ce qui est mauvais, mais il a fait descendre son livre pour nous montrer la vérité. Et aussi, afin que nous puissions bien comprendre son livre, il l'a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que celui-ci nous explique le livre d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim » On a fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui a été descendu sur eux. Et donc, on a besoin de la sunna pour comprendre le Coran. Le messager n'a pas été envoyé pour rien. Certaines personnes te disent « Coran, Coran, Coran, Coran, c'est tout. Je prends que le Coran, moi. » Taïb, comment tu fais pour ta prière ? Allahat, allez, dis-moi. Là, on va prier le Maghrib, dis-moi. Le Maghrib, combien de rakat ? Ah, 3, ok, t'as pris ça où ? Dis-moi quelle surat, il y a 3 rakat pour Maghrib. Il n'y a pas. Ah, tu l'as pris dans la sunna. Et donc, tu ne prends pas que du Coran, tu prends aussi la sunna. Et donc, on ne peut pas se passer de la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si on veut correctement comprendre le Coran. Et le Coran, barakallahu fikoum, les frères, ce livre est un miracle. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ce livre qui est un livre qui va être utilisé par des états pour être un livre de droit sur un homme qui était un illettré. Il ne savait pas lire ni écrire. Un homme, un illettré peut écrire un livre de droit. Et donc ce livre est un miracle, chers frères, barakallahu fikoum. Et c'est important qu'on comprenne que ce miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala perdure dans le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de ce miracle. Et ce livre ne contient aucune fausseté. Et il dit tabaraka wa ta'ala, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfi wa la min khalfi. Il ne contient aucune fausseté. Sourate Fussilet, donc sourate 41, le verset 42. Le Coran est une lumière, comme on a dit précédemment. Et c'est pour cela que on va faire pendant Ramadan, Inch'Allah, un séminaire sur le Coran. Parce qu'on délaisse trop ce livre. On le délaisse trop. Il dit Tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Oh gens, certes, il vous est venu une preuve évidente venant de votre Seigneur. Et certes, on a envoyé vers vous, on a fait descendre sur vous une lumière éclatante. Une lumière éclatante. Sourate 4, le verset 174. Et donc, toi qui veux la guider, tu veux réussir, tu veux le paradis, tu ne peux pas te passer du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala après cela, il dit فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Et donc certes, il vous est venu venant d'Allah une lumière et un livre clair. Allah par celui-ci, il guide ceux qui ont suivi sa satisfaction. Donc les causes de sa satisfaction. Il les guide vers les voies de la paix. Subul salam. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ. Et par ce livre-là, il les sort de l'obscurité vers la lumière. Et donc tu veux être dans la lumière? Alors pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le Coran un peu plus souvent? Pourquoi on ne cherche pas à le lire un peu plus souvent? Pourquoi on ne fait pas un peu plus d'assises pour chercher à comprendre le Coran? On veut la lumière. Alors, les frères, il est important, barakallahu fikoum, de s'organiser. On n'a pas le droit de rester comme ça des jours, des mois, on est là à courir, travail, enfant, épouse, travail, enfant, épouse, vacances, mer, plage, poisson, viande, tout, tout. Et le Coran, on l'a mis où? Le Coran, on n'a pas cherché à l'ouvrir et prendre de la poussière dans les placards. Ah oui, Jumu'ah. Jumu'ah, on vient, allez hop, on va dans les placards de la mosquée. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les frères, il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on cherche à le comprendre. On va arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long. J'avais déjà cité, il y a quelques points que je voulais voir avec vous. Mais là, c'est pas grave, on les verra par la suite. Surtout que ce sujet, on va l'aborder dans les détails, dans le séminaire pendant Ramadan, Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khairan.